C'est parti, roue libre Olivier, premier Grand Prix de la saison 2022 et donc premier bilan. On va rester sur le modèle que vous connaissez évidemment des bilans de Grand Prix tels que vous avez depuis l'existence de la chaîne. Alors, il y aura peut-être des évolutions plus tard, mais pour l'instant on reprend simplement, on a juste changé l'habillage qu'il y avait autour, vous connaissez évidemment, que vous avez vu dans les previews. Mais Olivier, on va en parler évidemment de cette saison, elle commence, pour reprendre une expression un petit peu ancienne mais qui marche plutôt bien, elle commence sur les chapeaux de roue. Oh oui, salut Damien, salut tout le monde. Le bilan du Grand Prix de Bahreïn 2022. Un Grand Prix que je qualifierais de très très très bon cru. Franchement, pour reprendre encore une expression de 1922, j'ai pas boudé mon plaisir. Non, vraiment, c'était très très sympa. Je ressors de là, écoute, avec tout le plaisir qu'on peut avoir quand on débute une saison. Par une très très bonne course. C'est ça, en fait, on a eu l'opportunité, grâce à un nouveau règlement, d'avoir une course avec certains rebondissements, un peu d'incertitude, et surtout une hiérarchie légèrement chamboulée par rapport à ce qu'on connaissait. Et donc forcément, je trouve que ça joue sur l'appréciation qu'on peut avoir de cette course-là, qui pourtant n'a pas été avec un énorme volume de rebondissements, ou comme dans certaines éditions ou certaines années, on pouvait avoir des nouveaux règlements avec beaucoup d'abandons, des choses comme ça. Non, mais il s'est passé des choses au début, il s'est passé des choses relativement au milieu, et il s'est passé aussi des choses assez fortes sur la fin. On va évidemment avoir l'occasion d'en reparler, mais commençons, Olivier, évidemment, par l'affiche. Pardon, et du oui. Grand Prix, 18e Grand Prix de Bahreïn, 19e sur le circuit, puisqu'on avait eu également le fameux Grand Prix de Sakhir en 2020, hein, sur la partie réduite, c'est-à-dire que vous aviez entre le virage 4 et le virage 13 de le circuit que vous avez à votre écran, une section track, rapide. Oui. L'Outer Track, exactement, qui avait accueilli ce Grand Prix dont George Russell se souvient bien. Mais le Grand Prix de Bahreïn est évidemment sur le tracé de course habituel, avec Damien, une première édition qui avait eu lieu en 2004, ouais. Déjà, donc ça commence à vraiment être un vieux de la vieille. Hein. Ça va atteindre les 20 ans, et sachant qu'il y a eu un contrat renouvelé pour 10 ans, même plus d'ailleurs. Non, plus. Hein. Oui, 15 ans, jusqu'en 2036 c'était. 36. Voilà. Bref, en gros, Bahreïn rentre dans les circuits historiques de la Formule 1. En plus, c'est un endroit dans lequel on fait évidemment les essais de pré-saison et on révèle tout évidemment à la presse hein, cette année. Bref, c'est un lieu qui finalement prend de l'importance dans la Formule 1 et c'est un lieu qui est assez révélateur souvent, je trouve. Alors, pas des performances complètes des voitures, parce que c'est quand même un circuit assez atypique, mais. Ça révèle un peu les tendances de ce qu'on peut vivre aujourd'hui, et je trouve que quand on a des bonnes courses à Bahreïn, on peut avoir des saisons qui ont parfois un peu d'intérêt. Oui, alors bon, il n'y a pas forcément toujours de lien de cause à effet, non. Mais en tout cas, il est intéressant de constater que une fois de plus, on a eu une course intéressante à Bahreïn, parce que honnêtement, c'est loin d'être la première fois, et Damien, je pense qu'il est temps que nous prenions la direction de la roue libre Victory Lane pour la première fois de l'année. Roue libre Victory Lane, et on va parler de Ferrari. La roue libre Victory Lane n'était pas créée, je crois, à l'époque où on parlait. Je crois qu'on a commencé à en parler en 2020 de la Victory Lane, parce qu'à l'époque on faisait autrement, je crois. Bref, Charles Leclerc, première victoire de la saison, 3e victoire en carrière, son premier hat-trick au pilote monégasque, et c'est la 239e victoire de Ferrari. Il y a eu 46 grands prix depuis la précédente victoire de Ferrari, qui a donc tout remporté durant ce week-end. Bravo à eux. Retour aux avant-postes pour le duo Charles, puisqu'en plus, on inscrit un doublé du côté de Ferrari. On va évidemment en reparler, ce sera notre fait marquant, mais Olivier, pour résumer un petit peu, avant de bien détailler ça durant la rubrique suivante, on savait que Ferrari serait prêt. On ne les pensait pas capables d'être aussi prêts que ça, finalement. Oui, c'est sûr, tout le monde attendait Ferrari devant, mais pas forcément tout devant. Et pourtant, ils l'ont fait, ce sera évidemment à confirmer, mais on va détailler tout ce qui s'est passé durant cette course dans le fait marquant. Évidemment, d'abord, on va commencer par les 10, c'est l'occasion de le voir, on aura l'occasion d'évoquer aussi le cas Mercedes, avec Hamilton qui termine également sur le podium avec les deux pilotes Ferrari. Et également, on vous évoquera quelques-uns des pilotes dans ce top 10, évidemment, mais on se retrouve tout de suite pour le fait marquant. Le fait marquant, Olivier, nouveau jingle d'ailleurs, hein, vous avez découvert la nouvelle présentation, le nouvel habillage de la chaîne. Le fait marquant, Olivier, donc, c'est ce retour aux affaires pour Ferrari qui commence cette saison 2022 de la meilleure des façons. On avait eu un seul doublé en 2021, c'était par McLaren au Grand Prix d'Italie, sur les terres de Ferrari. Et c'est Ferrari qui donc réalise dès le premier Grand Prix un doublé, alors pas sur les terres de McLaren, hein, même si, on sait que du côté de McLaren, il y avait des fonds qui venaient de Bahreïn pendant quelques temps. Oui, c'est plus effectivement la majorité désormais. Mais en tout cas, un doublé Ferrari, on n'avait plus vu ça donc depuis 2019. Ça commence un petit peu à dater. Et puis, qui attendait, sans même parler du doublé, Damien, qui attendait une victoire de Ferrari ce week-end? Franchement, oui, on pouvait se poser la question, ouais. Mais on se l'est dit tous les deux et on a fait les pronos du championnat. Moi, je te l'ai dit, je t'ai rejoint là-dessus. Sur le début de saison, on voyait Red Bull devant. Sur Bahreïn, je voyais Red Bull devant. Ça n'a pas été le cas. Alors, on ne peut pas dire que la Red Bull était forcément moins bonne que la Ferrari en performance pure. Ouais. Encore que, bah, elle était derrière. Hein. Bah, oui, à la régulière, elle était derrière. Ah, donc, oui. De toute façon, Ferrari était un tout petit peu devant. Et Charles Leclerc a pu concrétiser. Lui qui a joué parfois de malchance, notamment l'an dernier, eh bien là, il a décroché la pole. Une nouvelle pole, puisqu'il en a une belle collection, dis donc, par rapport à son nombre de victoires. Oui, c'est l'inverse de Verstappen, parce que Verstappen a fait beaucoup de victoires avant de faire une pole position. Charles Leclerc a 10 pole positions pour seulement 2 victoires, enfin 3 maintenant. C'est vrai que c'est assez étonnant. C'est assez étonnant, en effet. Bon, il en avait collecté 2 l'an dernier, on s'en souvient. Oui. Il n'avait pas vraiment eu de chance de pouvoir se défendre le dimanche, dans un cas comme dans l'autre, pour des raisons très différentes. Mais en tout cas, 2022, ça y est, c'est parti, Leclerc a concrétisé. Il était au niveau, on peut parler de lui en premier, Damien, puisque c'est le vainqueur. Oui. Franchement, il a géré cette course. Il réalise son premier hat-trick aussi. Donc, pole, victoire, meilleur tour. Et franchement, on a retrouvé le Leclerc qui a une voiture qui est capable de faire le job. Sur un premier week-end, alors on va forcément faire la comparaison avec Sainz, mais elle fait un peu mal à l'espagnol parce que Leclerc, il est là, il tape dedans en direct. J'évoque pas tout de suite le duel avec Verstappen, mais je vais y venir après. Alors, en parlant de Charles Leclerc, justement, tu l'as évoqué, tu l'as dit toi-même, c'est Charles Leclerc est capable, quand on met toutes les pièces en place, de pouvoir faire des courses excellentes. Justement, il a été solide, hein, parce que... On va se le dire, il n'a jamais été en mesure de douter de sa position et de sa performance durant ce week-end. Tu disais qu'on allait évoquer Verstappen un peu après, donc on le fera sur les moments en piste où ça a été un petit peu chaud entre les deux, mais où finalement, même dans ces moments-là, il n'a jamais vraiment douté de sa force et douté de sa voiture et douté de ce qu'il pouvait faire. Il a été serein, finalement, durant l'ensemble. Et c'était ce qui manquait, je trouve, pour Charles Leclerc en 2020 et en 2021. Il a parfois montré un manque de sérénité. On peut l'être à moins, compte tenu des circonstances, surtout après une saison 2019 aussi réussie qu'il avait pu nous proposer, de se retrouver à justement descendre très très bas dans les classements. Et donc, oui, il y avait une frustration qui était présente. Et là, l'avantage qu'on a, c'est qu'il a pu se mettre dans des dispositions mental beaucoup plus sereine dès le début, ce qui fait qu'à ce compte-là, il peut tout mettre en place, il peut mettre tous les éléments en position pour que ça puisse bien fonctionner. Ça nous rappelle l'image qu'on pouvait avoir de lui en 2019 en se disant, il a moyennant une nécessité d'expérience peut-être à prendre encore un peu, mais il a le matériel, les matériaux pour être un top pilote et peut-être potentiellement un prétendant. Exactement, il se rappelle à notre bon souvenir après avoir connu eh bien, quelques galères ces deux dernières années. Il a beaucoup souligné hein, ce week-end à l'interview, après les qualifs, après la course. Ça a été compliqué à vivre pour lui, on s'en doute. Et dès que ça marche, eh bien, il est là directement. Il a franchement remporté cette victoire de main de maître. Je trouve que oui. On a Leclerc au top. Et si, alors on va en parler après, hein, mais si cette Ferrari est au niveau sur la saison, évidemment que Leclerc... Je ne dis pas qu'il sera seul, même qu'il sera seul chez Ferrari, j'en sais rien encore. Mais évidemment que Leclerc sera là et sera un prétendant, ça c'est certain. Oui Damien, je voulais évoquer, avant d'évoquer Carlos Sainz, ouais. Je voulais évoquer ce duel avec Verstappen parce que, pour parler de Leclerc, en fait il a été plus intelligent. Mais c'est ça. Je trouve, c'est mon point de vue. Il a été plus intelligent que le gars qui est quand même champion du monde en titre. Il a expliqué à l'interview Charles Leclerc qu'il avait presque volontairement, alors non pas volontairement laissé passer complètement Verstappen, mais il s'est dit en voyant Verstappen qui revenait sur lui, qui avait la possibilité de passer donc au début du tour, hein, premier virage, qu'il allait volontairement laisser Verstappen devant, donc sans essayer de le repasser. On voit ça souvent à Bahreïn, le pilote est devant à l'amorce du virage 1. Et puis, bah, dans le virage 2, l'autre essaye déjà de repasser. Là, clairement, Leclerc a expliqué que sa stratégie, c'était de profiter du DRS après. Oui. Il l'a fait deux tours de suite. Ça a fonctionné deux fois de suite. Et la troisième fois, Verstappen n'a même pas compris puisqu'il a été faire un blocage de roue au virage 1. Donc, oui, je trouve que sur ce coup-là, Leclerc a été clairement le plus intelligent. Je pense que de toute façon, c'est ce que Christian Horner a dit à l'interview aussi, la Ferrari était un petit peu mieux et aurait peut-être ou sans doute gagné cette course, je ne sais pas. Encore que, avec une Red Bull à 100%, est-ce que la safety car aurait permis à Verstappen de gagner ? On ne le saura jamais, mais en tout cas, Leclerc a fait tout ce qu'il fallait, du début à la fin de ce week-end. Et Damien, je vais te relancer là-dessus, non seulement Leclerc a fait ce qu'il fallait, mais les arrêts au stand de Ferrari. Alors, les stratégies de Ferrari tout court, mais les arrêts au stand en plus. Ouais, attends. D'abord, par rapport à Verstappen, comme tu le disais justement, oui, t'as raison, les arrêts au stand, justement, c'est une ouais. question qui se posait sur Twitter pendant qu'on était en train de suivre la course, de dire comment se fait-il que Ferrari réussisse ses stratégies et ses arrêts, qu'est-ce qui se passe ? Oui, bah écoutez, on verra bien ce que ça va faire. Après, quand t'es dans une position d'avoir une certaine forme de sérénité, tu peux être beaucoup plus facilement capable de faire preuve de sérieux dans ton travail. Et l'un des problèmes qu'on peut citer chez Ferrari, et qui revient tout le temps, et qui est tout le temps vrai, et qui est même reconnu par des personnes qui y travaillent, c'est qu'il y a parfois un manque de rigueur sur beaucoup de plans, et lorsque tu es un petit peu moins en vue, un petit peu moins en capacité de réussite, tu te relâches peut-être beaucoup plus facilement dans des écuries comme Ferrari que dans d'autres. D'où les possibilités... T'as les équipes qui ont les moyens de faire des bons arrêts, t'as les équipes qui ont les moyens de faire des bonnes stratégies, mais... Quand t'es pas serein, quand t'es pas à l'aise, quand tu prends pas le temps de te poser, tu peux faire des bêtises. Voilà la fermeture de parenthèse. Pour revenir à ce que tu disais par rapport à Verstappen, alors Verstappen a peut-être été moins malin que Leclerc sur l'opération, mais en même temps, comme tu l'as dit, Horner le citait justement de ce point de vue-là, il y avait aussi cette sensation d'avoir une voiture qui était peut-être un petit peu moins performante, et donc peut-être d'essayer de passer le plus tôt possible pour justement s'en sortir. Maintenant, c'est aussi ce qui fait la force de Verstappen, cette capacité à justement aller se faufiler, aller s'infiltrer. Il est peut-être moins calculateur que d'autres, ce qui fait aussi un petit peu de panache dans l'opération. Je trouve ça un peu sympa. Le problème, c'est que il y a un moment donné où son écurie doit être capable de lui dire « Écoute, il t'a fait le coup deux fois, réfléchis. » Ouais, mais le souci de Verstappen dans ce cas-ci, c'est qu'il a expliqué aussi à l'interview, il était lui-même frustré. Oui. Parce que son équipe lui a demandé de ne pas attaquer trop fort dans les tours de sortie après les arrêts. À raison, je pense, parce qu'on a vu ce que ça donnait quand on attaquait trop fort avec Hamilton sur les pneus durs, il a failli la perdre. Donc, franchement, je crois que Red Bull a bien fait. Il a dit je ne suivrai plus mon équipe là-dessus, je ne suis pas d'accord. Horner a répondu, bah ouais, écoute, ok, t'es frustré, mais en même temps, la Ferrari était plus forte, point. Bah, après, c'est la réponse de Horner, il l'avoue. L'adrénaline pendant la course, attends, t'as l'adrénaline de la course aussi, ou qui fait que t'as la frustration, tu te poses, tu débriefes, tu réfléchis après derrière. Pareil, il est un peu sanguin et spontané, on le sait aussi par rapport à ça, Verstappen. En l'occurrence, l'adrénaline d'après-course. Mais ok, il était toujours dedans et il était très frustré. Il n'a pas débriefé encore, il n'a pas débriefé avant qu'il arrive à l'interview, attention. Ça dit, oui, je vais nuancer un peu mon propos parce que je voudrais pas qu'on me prête non plus des intentions négatives envers le champion du monde en titre. Évidemment que oui, je trouve que Leclerc a été plus intelligent. Maintenant, dans le duel, ça faisait plaisir de voir ce non-calcul de Verstappen qui y va, qui est toujours lui-même. Et évidemment, il a pas perdu ça en étant champion. Et ça, c'est d'un côté, c'est plutôt rassurant de savoir qu'il est toujours égal à lui-même. C'est bien, attention aussi, quand même. C'est bien aussi parce qu'on a pu voir des voitures se bagarrer un peu en piste aussi, oui. Malgré le poids qui est plus important quand même, quasiment 50 kilos de plus que l'année dernière, sachant qu'elles sont déjà très lourdes de base, et le comportement aéro qui est un petit peu différent des voitures, on a pu voir quand même assez régulièrement, il n'y a pas que d'ailleurs Verstappen et Leclerc, on a pu voir durant tout le week-end les différentes voitures se bagarrer, donc ça c'est plaisant, et ça fait justement, c'est intéressant parce qu'on a pu les voir sur plusieurs tours se bagarrer, il y a un moment donné où forcément tu peux pas non plus te bagarrer de manière aussi intense pendant très longtemps, mais ça a pu tenir, et même au niveau des pneus ça a pu tenir aussi un petit peu, donc mine de rien c'est pas mal. Ouais, et sincèrement moi j'hésitais à te proposer de le mettre en top, c'est que vraiment ce nouveau règlement se vérifie quand même. Je pense que à l'heure actuelle on l'a vu, malheureusement je pense que ce sera toujours le cas, ce sera jamais suffisant pour se séparer du DRS. On en aura quelque part toujours besoin pour avoir des dépassements entre guillemets réguliers, évidents et malheureusement trop faciles au DRS. Ouais, il y en a besoin parce que la F1, ce qu'elle est, c'est trop rapide en fait. Et les voitures sont trop lourdes, trop larges, trop grandes. que pour s'en passer. Malgré tout, vraiment, on voit que le retour à l'effet de sol comme effet aéro premier, majeur, eh ben, ça paye. Les voitures ont nettement moins d'air sale quand même à subir, ça se voit à l'œil nu. On voit que les voitures peuvent se suivre, peuvent bagarrer beaucoup plus facilement, ne doivent pas sortir, ne doivent pas se décaler automatiquement. C'est plutôt plaisant et c'est de bon augure pour la suite, ça c'est clair. Tout à fait, hein, tout à fait justement, et c'est un point qui est à prendre en compte, parce que si on a la possibilité de pouvoir avoir plus souvent des bagarres en piste comme ça pendant quelques tours entre les différents protagonistes, ça peut être quand même plutôt sympathique, même si Olivier, justement, on a eu Verstappen et Leclerc qui se sont bagarrés assez régulièrement, parce qu'ils étaient un peu seuls au monde finalement, et à la base, on devait avoir un troisième protagoniste au podium qui arrive à sécuriser un doublé Ferrari, mais qui malgré tout était quand même vraiment en retrait par rapport aux deux autres. Techniquement, on devait en avoir quatre, hein, puisqu'ils avaient les mêmes voitures. De Ferrari, oui. De Red Bull. Hein. Mais tu me diras, Perez était derrière Sainz, ils étaient à proximité, il a malheureusement pas pu réussir à se bagarrer, il a raté son départ, bon écoute, c'est comme ça, c'est Perez. Hein. Mais malgré tout, au moment où la voiture de sécurité sort en piste, il y avait une seconde et demie, deux secondes d'écart entre les deux. Donc certes, il était derrière, mais il était quand même là. Ouais, mais en fait, t'as tout dit. T'as dit c'est comme ça, c'est Perez. Donc ça veut dire que de Perez, on attend rien de plus que son statut de numéro 2. Alors que de Carlos Sainz, effectivement, à ce jour, on attend plus. Lui-même attend plus, clairement. Alors, il était très heureux à l'arrivée pour le doublé Ferrari. Et il a clairement dit, d'ailleurs, que c'était la place de Ferrari. C'est de la com', mais il ne peut pas dire autre chose, de toute façon. Et ça reste vrai que Ferrari doit être devant. Mais il avait le masque, Carlos Sainz. Il avait le masque et il a raté son week-end, d'après lui. C'est vrai qu'on l'a senti par moment, en tout cas, assez loin. Alors, il avait la pole provisoire lors du premier run en qualif, mais voilà, ça n'a pas été plus loin. C'est son seul fait d'arme, quelque part, sur le week-end. On attend plus. Honnêtement, il termine loin. Oui, il y a eu la safety car, mais avant la safety car, il était vraiment, vraiment loin de Leclerc. Donc oui, on attend plus de Carlos Sainz. Lui-même attend plus de lui, en fait. Donc, à voir un petit peu comment il peut optimiser son niveau de perf. En attendant, il a fait le job qu'il faut faire en cas de souci devant. C'est-à-dire préserver sa position, déjà, face à Perez, et donc permettre le doublé Ferrari, qui reste quand même une réussite assez incroyable. On ne s'y attendait pas. À la régulière, est-ce que Ferrari aurait fait un doublé? On ne sait pas non plus. Parce qu'au final, Sainz, avec la safety car, était un peu en mesure d'attaquer Verstappen. Mais est-ce que sa voiture était encore... Bref, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on avait un peu deux gars devant et deux gars derrière. On attend un peu mieux quand même chez Ferrari de la part de Carlos Sainz, qui n'est pas le Perez de Red Bull, qui n'est pas ce qu'était Bottas chez Mercedes. En tout cas, à ce jour, parce qu'il pourrait le devenir. C'est justement le danger pour lui. Attention, alors maintenant, il y a un point pour nuancer le positionnement de Sainz. Il ne s'est jamais retrouvé dans la même posture que Leclerc, jusqu'à présent. C'est une première pour lui. Et contrairement à Leclerc qui avait un maître étalon face à lui, qui était un quadruple champion du monde, donc justement de très haut niveau et de haute facture, là, Sainz, il y a un sentiment un peu particulier, c'est que finalement, Leclerc est plus jeune que lui, a moins d'expérience que lui en Formule 1, et pourtant a déjà plus souvent gagné, et a été souvent en position. Donc ce qui fait que l'élément de comparaison n'est pas forcément le même. Il n'y a pas ce même effet en fait d'être tiré vers le haut par son coéquipier comme pouvait l'être Leclerc vis-à-vis de Vettel. Donc ça peut être très perturbant justement, et c'est là où il y a un travail à faire de son côté aussi à lui, qui est justement d'être capable de monter son niveau de jeu un peu plus haut, plutôt que comme il nous a fait l'année dernière en fait à de multiples reprises, de très belles courses, où en fait il tirait son épingle du jeu de circonstances où il n'aurait presque jamais dû se retrouver dans cette position-là. Là, il aurait dû être plus haut, et en fait il n'est pas allé chercher l'élément en plus. On est confronté en fait à cette découverte-là finalement, cette découverte d'un Sainz. Est-ce qu'il va être capable d'aller faire le petit truc en plus pour aller chercher plus loin? C'est sur ça qu'on va l'attendre. Oui, et le truc c'est que si Ferrari est au niveau et joue les victoires régulièrement, je dis bien si parce qu'on ne va pas tirer des conclusions là-dessus trop vite non plus. Ah, il y a des belles conclusions hâtives à tirer de ce week-end, c'est grandiose. Ça, on peut aller très très loin effectivement. Mais si jamais Ferrari joue la victoire de façon régulière, il va pas falloir attendre des mois pour que Carlos Sainz se retrouve avec une étiquette sur le front. Oui. Donc, il va devoir se mobiliser rapidement. montrer que même si c'est un peu l'écurie de Charles Leclerc, hein, je suis désolé, mais il suffit de voir le contrat, même si Sainz est proche de re-signer, c'est un peu l'enfant de Ferrari, Leclerc, et il, malgré ça, il va devoir montrer que même si Leclerc est installé dans l'équipe, même si Leclerc a plus d'expérience que lui de se retrouver devant, tu l'as très bien décrit, et ben, malgré tout ça, il peut aussi jouer avec. Il va devoir le montrer, je pense, assez rapidement. Il faut que Sainz rende la situation difficile à gérer par Ferrari, oui. Plutôt que de leur donner la facilité en fait, de désigner un numéro 1 et un numéro 2 rapidement. Parce que le problème qu'il y a, c'est que je ne suis pas certain que cette étiquette se décolle rapidement si jamais elle est collée sur son front ou sur son dos assez vite. Oui, d'autant plus, Damien, que quand on joue, si jamais, encore une fois, je prends toutes les précautions, si Ferrari joue le ou les titres, on sait pertinemment bien que c'est extrêmement rare, sauf en cas de grosse domination, comme on a pu le voir chez Mercedes certaines saisons, c'est extrêmement rare de pouvoir jouer les titres avec deux pilotes en même temps. Ah bah oui, de toute façon, puis en général, quand on a deux pilotes qui jouent le titre, si tu as une opposition avec une autre écurie, hein, donc on est hors du contexte Mercedes, Rosberg, Hamilton, mais si tu as une vraie concurrence autour, bah, c'est compliqué d'emmener les deux tout en haut sans se tirer entre les pattes et finalement se retrouver à perdre après derrière ta position. McLaren en 2007, par exemple, pourrait en témoigner. Ou Ferrari en 2008 qui avait fini par faire le choix de Massa. Oui, ou Ferrari en 2008 qui a fait un mauvais choix aussi de ce point de vue-là, oui. Qui a fait un choix en cours de saison. C'est ce qui pourrait arriver à Ferrari cette année. Encore une fois, il y a toutes les précautions d'usage à ce stade, mais on n'est pas à l'abri de ça. En tout cas, ça démarre très très fort pour la Scuderia. Et honnêtement, on avait envie de revoir Ferrari devant. On voit Ferrari devant. Moi, je ne cache pas que ça me fait plaisir. Quelque part, ça me fait presque un peu plaisir aussi pour Mattia Binotto, qui quand même s'en est pris plein la figure. Bah, les deux dernières années, on l'a nous-mêmes également fortement critiqué. Maintenant, il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est que dans la critique qu'on a pu formuler, on avait évoqué des idées ou des impressions de comment pouvoir faire évoluer l'ensemble. Et au fond, la manière dont Ferrari a fait évoluer, la manière dont Binotto a fait évoluer son rôle, finalement fait qu'ils sont dans cette position aujourd'hui. Oui, et je parle de lui parce qu'il est le premier responsable probablement de l'échec de Ferrari sur les années précédentes. Il est le premier responsable de la réussite de Ferrari aujourd'hui. Et ce qu'ils ont fait est quand même très très fort parce que maintenant il va falloir développer cette voiture. Moi c'est ce qui me fait un peu peur, je te le dis comme ça. C'est ce qui me fait un tout petit peu peur. Ferrari semble assez serein, semble sûr de sa force parce que la voiture est vraiment au rendez-vous. Il y a un bon concept qui est là, mais il va falloir le développer ce concept et c'est là-dessus que ça se jouera. C'est là-dessus que je ne cache pas que j'ai une petite inquiétude. Mais honnêtement, ce qu'ils ont fait l'an passé, parce que ça s'est surtout joué en 2021, c'est-à-dire mettre la saison de côté et se concentrer sur cette voiture, on n'a plus vu Binotto sur le circuit, en tout cas plus beaucoup, et ça a payé. Ouais. Ça a payé aujourd'hui. Ils ont non seulement, alors en plus, elle est belle, donc bon, évidemment, ça ne gâche rien. Mais ils ont de belles voitures et ils ont surtout une voiture performante. Ça fait plaisir et espérons que ça dure. C'est pas un parti pris, c'est espérons que ça dure, qu'on ait plusieurs concurrents devant, pourquoi pas avec un retour de Mercedes après, et qui sait, une bagarre à trois, ce serait pas mal. On aura certainement l'occasion de nous revoir ensemble. Dans tous les cas, voilà, ça fait plaisir de revoir justement une Ferrari qui domine un petit peu, qui a été un peu performante, un Leclerc conquérant, de voir un peu tout ça justement, de changer un peu, d'un certain point de vue, les têtes à la tête. Et on espère que justement, on aura l'opportunité de pouvoir voir d'autres situations intéressantes, surtout le reste de la saison. Olivier, on a beaucoup parlé Ferrari, on a un peu parlé Verstappen. Parlons évidemment du reste. C'est tout de suite dans les top flops. Les top flops, Olivier, de ce Grand Prix d'Abu Dhabi, ce week-end de reprise de la Formule 1. On a évidemment parlé de Ferrari. On va parler d'autres pilotes autorisés par Ferrari. Et j'aimerais commencer par un très grand top pour Kevin Magnussen. Qui accroche déjà pour commencer, donc alors il n'a que le roulage de Bahreïn dans les mains, bon, ce qui fait que tant mieux pour lui, une semaine après c'était le Grand Prix sur là où il avait repris en main une voiture, mais il nous fait une belle qualification en Q3, il nous fait une belle course quand même, plutôt solide, parce qu'il s'est pas trop mal débrouillé quand même et il allait marquer quand même des points intéressants, et il profite de la débandade Red Bull pour justement inscrire les points de la 5ème position, ce qui fait que sa place l'écurie As en troisième position du championnat du monde des constructeurs. Alors maintenant, à voir ce que ça va donner sur toute la saison, si on va réussir à le faire sur la durée. Mais on a senti, en tout cas, c'est plaisant, que le retour s'est bien passé pour lui. Et c'est peut-être une bonne chose pour l'écurie Haas aussi d'avoir justement un pilote qui marche bien pour pousser un Mick Schumacher qui, lui, par contre, a été un petit peu en difficulté. On avait presque envie de dire que les Mercedes pouvaient constituer les meilleurs des autres parce qu'ils étaient quand même loin des deux voitures du top devant. Et au final, eh bien, c'est Kevin Magnussen qui est le meilleur des autres. Alors, Kevin Magnussen, c'est un gars quand même qui, il y a deux semaines, ne devait pas rouler en F1. Oui. Et qui termine cinquième dans le Grand Prix avec une Haas. Au-delà de, du côté étonnant du résultat, moi, je salue surtout son plaisir d'être là, parce que ça se ressent tellement que c'est juste énorme. Ça fait rafraîchissant à voir. Et puis, il a attaqué, parce qu'il a vraiment attaqué, tout le week-end. Hein. D'ailleurs, parfois un peu trop, le samedi, mais il a attaqué à fond. Ça se voyait en course. Parfois, il était à la limite de la perdre. On l'a clairement vu. Il a en fait fait cette course comme si c'était la seule édite qu'il faisait. Comme s'il remplaçait un pilote, excusez-moi du terme, covidé. Et que après, c'était terminé. Et que la semaine prochaine, il était plus là. Et c'est ça qui est génial, en fait. C'est ça qui est juste génial. Et sa performance est franchement assez incroyable. Oui, il était dans une Formule 1 il y a fin 2020. Il n'a pas quitté la F1 longtemps. Mais cette voiture-là n'a plus rien à voir avec celle qu'il a quittée. Oui, c'est peut-être sa chance aussi, finalement, dans l'idée. Ce qui fait marcher que des pilotes qui quittent un règlement et qui reviennent sur ce même règlement quelques années après, ou d'autres ont pu continuer à parfaire leur maîtrise. Et donc, forcément, la comparaison peut se faire avec un retour d'Alonso, par exemple, l'année dernière. En fait, ça a plutôt quand même... J'allais te dire, ou le retour de Ocon qui avait été un petit peu difficile aussi. Oui. Mais c'est plutôt intéressant, justement, ce qui s'est passé là. Maintenant, à voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on est sur un one-shot où on a réussi à plutôt bien s'en tirer, ou est-ce qu'on pourra réussir à faire plus que ça? Ça commence déjà un petit peu à monter aussi, les plaintes, parce que... Ferrari blanche, oui. Oui, voilà, c'est ça. Parce que, forcément, du côté de chez Haas, la moitié de l'usine est à Maranello, donc forcément, on verra bien ce que ça pourra donner. Maintenant, on rejoint un petit peu le même principe que ce qu'on peut évoquer pour une AlphaTauri, pour une AlphaTauri Toro Rosso, pour l'Aston Martin Racing Point à l'époque. Si tu travailles à partir d'un concept que tu n'as pas développé, oui, tu peux le faire marcher à un moment donné, mais pour le faire évoluer ou pour le comprendre lorsqu'il commence à y avoir des petits coins, ça peut être plus complexe. Donc, c'est pas parce qu'on te file une voiture qui est bonne que tu vas savoir t'en servir. Oui, on va pas se mentir. Je suis pas sûr que Magnussen puisse jouer des si gros points régulièrement. Non. C'est-à-dire que la Haas part d'un point de départ qui est très très bon. Au-delà de l'aspect technique, elle profite de l'évolution du moteur Ferrari qui est juste excellente. On va en reparler après. Donc ça tape des points maintenant. C'est une surprise parce qu'on ne les attendait pas là. Ok, mais attention, est-ce que Haas a les moyens de développer sa voiture? On va voir. Moyen. On va voir ce que ça va donner sur la suite de la saison. Encore une fois, la saison est longue aussi. Maintenant, c'est beau. C'est très bien pour le symbole. Oui. C'est très bien pour le principe. Et c'est très bien de marquer des points quand tu peux les mettre maintenant. Parce que si plus tard, tu as moins l'opportunité de le faire, tu as quand même déjà 10 points. Et avoir marqué 10 points, déjà, c'est tout simple. Hein. Mais c'est déjà plus de points que les deux dernières saisons réunies, si j'ai pas de bêtises. C'est 10 fois plus que l'an dernier, en tout cas, ça je sais. Oui. c'est 10 de plus que l'an dernier. 10 de plus. Ouais. Donc voilà, forcément, enfin, c'est important aussi de prendre tout ça en compte. Et c'est plaisant de voir cette écurie-là qui n'est pas passée loin quand même de disparaître presque il y a quelques temps, finalement retrouver un peu du poil de la bête et repartir. Parce que c'était une écurie qui n'était pas désagréable, qui était plutôt avec un esprit un peu sympathique quand c'est arrivé au début. Puis c'est un peu planté sur des choix de sponsors en 2019 ou des choix de partenaires en 2021. Mais bon, finalement, ça peut repartir et pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas. Mais étonnamment, d'ailleurs, il y a une forme de sympathie qui s'installe depuis la perte du Rallycali, le retour de l'identité Haas, avec un énorme Haas là, sur les pontons. Avec une livrée, moi franchement, alors je suis désolé, mais j'adore. Ouais, bon, voilà, je suis toujours beaucoup plus mesuré parce que tu le sais, j'ai toujours une petite aversion pour les voitures blanches. Mais Oui. je peux comprendre qu'on adore. Oui, Je mais moi comprends. aussi j'ai beaucoup de mal avec les voitures qui sont blanches, mais elle est blanche, rouge et noir. Ça tombe bien, c'est nos couleurs. Ça tombe plutôt bien pour nous, on aurait bien glissé un petit logo, hein, ça Bah c'est sûr oui, t'es que. sur les enjoliveurs là. Franchement, ça ferait pas de mal un petit roue libre sur les enjoliveurs, ce serait plus beau que Chrome. Enfin, que Google, bref, vous avez compris. Non, c'est Chrome, c'est le logo de Chrome qui est Oui, c'est le logo de Chrome en effet. sur la vitrine. D'ailleurs, en parlant de rouge et blanc, autre top qu'on peut Oui. citer aussi, parce Ah qu'il est un oui. peu en lien quand même, c'est les Alfa Romeo. Et là, je vais citer les deux. Même si je vais avoir une nuance quand même, je suis désolé pour ceux qui en ont marre qu'on puisse critiquer Bottas, mais en même temps, il nous a donné de quoi faire quand même, je suis désolé. Belle qualif, pas de problème. La course s'est quand même pas trop mal passée, mais c'est quoi ce départ? Il s'est oublié au départ, il nous a fait une Bottas. C'est incroyable Il quand nous a même. vraiment fait une Bottas parce que bon, l'an dernier, on l'a vu un certain nombre de fois se louper complètement au Bah, départ. mais sans les merdouilles de Red Bull en fin de course, quand même, c'était gâché quand même, cette belle performance en qualification. Et autant t'avais un Kevin Magnussen qui même avait perdu des places par rapport à sa qualification, mais arrivait quand même à faire quelque chose d'intéressant, autant là, Bottas, s'il terminait bah, derrière Magnussen, comme prévu, deux places plus Ouais. bas, bah c'était pas vraiment bien, c'était pas vraiment brillant à ce moment-là. Mais Disons qu'il bon, n'aurait pas concrétisé de la même manière. Sa course est ouais, pas mal, hein. Sa c'est course ça. est Mais pas voilà. mal. La course s'est bien passée, il s'est bien repris là-dessus aussi, mais Ouais. c'est pas vraiment lui que j'ai envie de féliciter en premier, moi c'est Zou, Ouais. parce qu'au Tu veux dire fond, Joe? Zhao, Wang Zhao, voilà, c'est vrai, tu as raison, c'est comme ça qu'il faut prononcer Zhao, il s'est pas très bien qualifié. Exercice délicat, c'est compliqué, je peux comprendre. Mais il s'est pas démobilisé. Durant toute la course, il a dépassé à de multiples reprises différents pilotes pour monter au fur et à mesure. Et il a été au duel avec quelques pilotes qui étaient avec des voitures qui étaient d'un niveau équivalent ou d'autres avec plus d'expérience que lui. Et au final, il termine en 10e position. Il marque un point. Bah, je trouve que ça récompense vraiment un Grand Prix que j'ai regardé un peu de manière un peu parallèle pendant qu'il y avait la course principale. Ouais, où je trouve que c'est pas mal. C'est sérieux, c'est appliqué. Alors c'est pas flamboyant, hein, voilà, mais ça fonctionne bien, c'est bien travaillé. Et si il fait partie de ces gars-là qui arrivent à passer le cap F2, F1, avec un moment donné où il y a un effet qui s'opère chez eux, où vraiment ils passent un cap dans leur manière de fonctionner, ça peut être intéressant à suivre. Maintenant, est-ce qu'il a le potentiel pour faire plus que ce qu'il fait là actuellement? Pas sûr. Mais... Attention évidemment, Damien, c'est le bilan du Grand Prix de Bahreïn. Il y a la Oui. jurisprudence Tsunoda, hein, justement de Bahreïn 2021. Bah, mais il était plus foufou que ça quand même, Tsunoda, même de base. Alors que là, il y a eu quelqu'un d'appliqué. Au fond, il n'aurait jamais dû C'était marquer des oui. points. Voilà, c'était plus appliqué. Et honnêtement, en termes de rythme, il est pas très loin de Bottas, Oui, c'est qui quand ça. même, excusez-moi du peu, Bottas vient de chez Mercedes, il a le niveau, il a. Voilà, c'est un excellent pilote. Bonne référence. C'est une très très bonne référence pour Joe. Et il prouve vraiment qu'il n'est pas si loin. Il arrive comme ça en F1. Personne ne croit en lui. Pilote payant, machin, tout ça. Bah, franchement, pour celui que Gaëtan Vigneron appelle le chinois, puisqu'il ne sait pas comment le prononcer. Oh le drame. Mon Dieu. Heureusement, Lionel Froissart était l'excellent, je tiens à le dire pour tous les Belges qui nous regardent. Ou tous ceux qui suivent sur F1 Eh TV, oui. l'excellent consultant de Vigneron. Alors, j'avais pas vu un aussi bon consultant depuis des années, je pense. Mais bon, soit c'est Froissart. C'est comme ça. Voilà pour la parenthèse. Mais c'est un top aussi, de toute façon. Oui, c'est un top mérité. Mais donc vraiment, oui, Joe, il est là et on va vite voir si ça se concrétise ou pas, si ça se poursuit. Mais ça démarre bien en tout cas. Et Oui. on s'y attendait pas. On va être honnête, on n'était pas très chaud. Non, mais bon, écoute, ça marche plutôt bien. Maintenant, le tout, c'est de concrétiser, c'est de confirmer, c'est de continuer. Qu'est-ce que tu... T'es pas très Voilà, on n'était pas très Joe. ciao? Mais après, il profite aussi un petit peu de notre flop, finalement. On va pas parler de Red Bull tout de suite, mais du flop qu'on peut citer aussi aujourd'hui. Moi, je vais le donner à Mercedes, dans son ensemble, pour les 8 voitures motorisées par Mercedes. T'en as deux qui s'en sortent bien parce qu'elles ont un châssis Mercedes qui donc est un des meilleurs châssis qui soit, avec des vrais concepts intéressants et une vraie bonne écurie. Et des pilotes fantastiques, ouais. Et des super bons pilotes, évidemment. Mais je suis désolé, les écuries Mercedes ce week-end étaient dans la position des écuries Ferrari depuis 2020, quoi. Il y avait de ça. Et Il y avait de vraiment, ça et c'est pas rassurant. c'était vraiment. En fait, côté Aston Martin et Williams qui sont un peu en délicatesse. Bon, t'as une sorte de continuité un peu de ce que t'as vu l'an passé, on se dit éventuellement pourquoi pas, même s'ils ont un peu eu mal. Non, c'est de savoir que McLaren est autant en difficulté aussi, c'est que tu sais qu'il y a un truc qui coince, tu sais qu'il y a un truc qui va pas. Parce que c'est pas forcément le même niveau d'avance par rapport à la manière dont tu peux développer tes voitures et développer ta connaissance. Donc, c'est que du côté de chez Mercedes, on a un problème avec le moteur actuellement. Oui. Et ça s'est vu sur les vitesses de pointe. Tu as quasiment 15 km/h d'écart entre les plus hautes et les plus basses vitesses de pointe lors des qualifications, ce qui est un gouffre incroyable. Oui. Surtout sur un circuit où tu as des grosses vitesses comme celui de Bahreïn, où justement tu as besoin de cette vitesse aussi. À voir ce que va Alors. proposer Mercedes à ces écuries-là, mais c'est pas rassurant. Oui. Attention Damien, vous avez compris qu'on essaye vraiment de grouper le package Mercedes et les écuries motorisées par Mercedes. On est obligé malgré tout d'apporter certaines nuances. On sait que Aston a un concept qui visiblement ne fonctionne pas au niveau aéro pour l'instant, que McLaren a des gros soucis de frein, ce qui pour moi d'ailleurs explique aussi le fait, en partie, hein, le fait que Ricciardo ait encore plus de mal que Norris, parce que Ricciardo, c'est un pilote qui va très tard sur les freins, et là, Oui. il n'est pas du tout en confiance sur les freins, donc Très tard ça et ne très marche fort. pas. Oui, je suis d'accord. Qui plus est, il est clairement encore malade, hein, Ricciardo, on va se le dire, il faut se dire les choses clairement aussi. Il n'est pas en état physiquement, mais ça, c'est un autre débat. Oui, mais Norris, c'est pas non plus des lustres devant lui, quoi. Donc On est d'accord, ça voilà. ne Norris, fonctionne tu mettrais pas. 2 secondes en qualification. Bon bah écoute, la discussion se pose pas. Non, c'est même si Ricardo est pas Non. bien, il est derrière, oui, mais enfin, Norris, c'est pas beaucoup plus loin devant finalement. Non, mais c'est ça. Mais maintenant, au-delà du moteur, c'est pour ça que je veux apporter la nuance. Quand vous n'avez pas confiance en vos freins, excusez-moi, c'est compliqué de faire une course correcte. Je Ah bah, Grosjean peut en pense assez parler, parce que sincèrement. Grosjean est dans le même genre que Ricciardo aussi. Il a besoin d'aller taper dans ses freins pour que ça fonctionne. Ouais. Et forcément, ouais, c'est toujours des situations qui sont très délicates, hein. Vous avez d'autres pilotes qui ont d'autres facilités de ce point de vue-là. Mais comme tu le dis, tu as un problème chez Aston Martin aussi par rapport à l'aéro de la voiture. De toute façon, ils sont déjà en train de bosser sur une version B de la voiture. Ils l'ont déjà annoncé, c'est déjà prévu, pas de problème. Du côté de chez McLaren, on est déjà en train de bosser aussi sur la suite. Évidemment, Williams suit une philosophie équivalente à celle que tu as chez Mercedes, qui manifestement n'est pas encore en train de bien fonctionner aussi. Tu as donc des écuries où ils ont un concept actuellement au niveau du châssis, au niveau de l'aéro de la voiture qui n'est pas parfait. Mais Mercedes, pareil. Hein. c'est, oui en plus, mais c'est exacerbé par les manquements du moteur. Oui, et d'ailleurs, Toto Wolff en personne ne s'en cache pas. Il y a de la perf à trouver partout, il l'a bien dit. Donc, on parle évidemment du principe, du concept aéro de la Mercedes, d'accord, qui n'est pas au point pour l'instant. Ça n'arrête pas de rebondir, ça marchouine dans tous les coins. Et sur la Mercedes, c'est impressionnant. Hein. Je trouve que Oui. vraiment, en comparaison aux autres, ça doit piquer les fesses de Lewis et George. Mais il a clairement dit, notre ami Toto, oui, au niveau du moteur aussi, on a de la perf à trouver. Rapidement, d'ailleurs, parce qu'après, il y a un gel moteur quand même, donc il va falloir se bouger. C'est ça. Le gel moteur d'ailleurs est déjà en cours, mais uniquement sur certaines parties. Donc ça veut dire que on peut encore aujourd'hui le développer sur la saison 2022. Après, ce sera fini, on le rappelle. Donc il va falloir que Tu peux Mercedes se travailler la bouge. fiabilité quand même, hein, après derrière, mais Oui, oui, d'ailleurs la là. fiabilité, oui. D'ailleurs, la philosophie qu'a suivi Renault, hein, de faire du maxi-perf, quitte Oui. à perdre un peu en fiabilité au début pour Bah, bosser sur ça après coup. il n'empêche que. Allez, Damien, la transition est toute faite. Est-ce qu'on a fait le tour du côté des blocs Mercedes? Bon, soit oui, parce qu'on va voir comment ça va évoluer, on peut pas définitif non plus, on ne peut pas tirer des conclusions également. On a des éléments d'inquiétude du côté de chez Mercedes, on a des éléments de satisfaction du côté des écuries qu'on a évoquées chez Ferrari. L'idée, c'est que de toute façon, on va voir comment ça va évoluer. On va être clair, hein, le week-end prochain à Jeddah, ça sera relativement pareil, parce que t'as pas le temps Pareil. d'avancer. Mais c'est sur la Ben. suite que ça va être intéressant à regarder. Et d'ailleurs, tu rejoins à nouveau Toto qui a clairement dit, en parlant là uniquement de son équipe, qu'il fallait rien attendre avant Imola. Ils ont un podium complètement inespéré. Hein, on va pas, voilà, c'est clair Alors et ça, net. c'est comme d'hab avec eux. Même quand tu sens qu'ils sont pas là, ils vont se démerder pour faire quelque chose. L'année dernière, rappelez-vous, hein, Red Bull était vraiment au-dessus. Hein, tu te dis, c'est bon, ils vont le faire. Les mecs finissent avec un 1 et 3 sur le podium quand même. Oui, non, c'est assez dingue. Hamilton décroche un podium totalement inespéré. Alors, Hamilton qui a eu la banane tout le week-end, ça m'a bien fait rire. Il avait vraiment un grand sourire assez incroyable. Je pense qu'il veut aussi montrer à son équipe que, ok, on va y aller, on va se battre. Oui, Damien, la transition n'est plus toute trouvée du coup depuis 5 minutes, mais elle était faite vers une écurie française, franco-anglaise. Hein, on va donner la nuance. Qui, alors. C'est un peu mes figues, mes raisins, mais au moins, c'est fiable. Hein. C'est, oui, c'est mitigé du côté de chez Alpine. Maintenant, est-ce qu'on a forcément des motifs d'une grande inquiétude? Non. C'est pas satisfaisant. Mais non. Les deux voitures sont dans les points. On était relativement dans le rythme en qualification. On aurait même pu avoir deux Q3, bon, même si ça se termine pas très très loin. Maintenant, le tout, c'est de savoir si est-ce qu'on est dans la situation là parce qu'on profite des manquements d'écuries comme Aston Martin, McLaren ou pas, ou est-ce qu'on est arrivé à un niveau de performance intéressant et qu'il suffit juste de trouver un petit truc en plus pour arriver encore un peu plus haut. Pareil, on va suivre les évolutions du côté de chez Alpine. Par contre, bon, le rose, ça continue ce que tu disais, hein. Terne au possible. Puis alors, je trouve que de nuit, c'est vraiment marquant parce que la voiture, elle est plate. Ouais, c'est une... Moi, dans mon esprit, en plus, c'est ça qui est compliqué à gérer, c'est que dans notre esprit, c'est une racing point, quoi. C'est... En plus, oui, vraiment, oui. Mais ça, après, bon, c'est comme ça. Mais le rose, pardon, est même pas pétant, en fait, finalement. Il devrait beaucoup plus péter, ce rose, quoi, parce qu'il y avait vraiment moyen de faire un truc un peu sympa, alors, mais ça, un truc Damien, brillant et tout, quoi. Tu me donnes l'occasion de le faire. J'ai un coup de gueule définitif, je suis désolé, contre les livrets mat. Je n'en peux plus. Et pourtant, ça fait des années que je m'en plains, hein, mais bon, écoute. Je n'en peux plus. Je suis persuadé que la Ferrari serait, elle est déjà belle, serait encore plus belle en brillant. La McLaren, devient dramatique, le mat, vraiment. Ça devient dramatique et je trouve, je suis désolé, plus la McLaren elle est en train d'évoluer, plus elle est moche. Oui, mais c'est pas une couleur pour faire une livrée mat. Enfin, je suis désolé. C'est moche cette couleur. Pareil. Oh, en plus, le bleu, bon, on en a déjà parlé, mais voilà. Donc. J'en ai marre, en fait. J'avoue que les livrets mat, voilà. Mais je devais le dire. Voilà, ça marche sur la Red Bull, parce que Red Bull, c'est une marque de kéké. Oui. Non, mais c'est vrai, écoutez, un peu de ça. Non, bon, je rigole, mais au-delà de ça, c'est que oui, la couleur mat, non, enfin, je sais pas, j'y arrive pas. Mais j'aime pas, même la couleur mat sur une voiture du quotidien, j'aime pas ça non plus. Ah, c'est pire. Voilà, je trouve ça vilain, quoi. Voilà. C'est encore pire. C'est rigolo quand tu joues Need for Speed sur la console, mais voilà, ça s'arrête là. Non, vraiment, j'espère qu'un jour ça va s'arrêter, parce que c'est... Ah, apparemment, il justifie ça en disant que c'est bien sur les performances, apparemment, tu gagnes du poids ou je sais pas quoi. Donc, ouais, voilà. Si c'était vraiment plus léger, tout le monde le ferait. Ce qui n'est pas le cas. Oui, bon, après, c'est pas grave. Ça, je ne dis rien. Oui. Bon, bref. Tout ça pour dire que ouais, donc, du côté de chez Alpine, il y a un point à noter. Point à noter également aussi, Olivier, qu'est-ce qu'on peut rajouter par rapport à ces premiers top flop de la saison? Je pense qu'on a fait un Red Bull. Ah oui, Red Bull, oula. Oui, parlons-en quand même, parce que au-delà, finalement, on en parle un petit peu tout le temps, mais pas vraiment. Ok, d'accord, il y avait de la perf. Parce que voilà, Red Bull est au niveau. Moi, je les attendais, toi aussi, devant. On a été surpris un peu par Ferrari. Parce que samedi soir, tu l'as entendu comme moi, beaucoup pensaient que oui, mais la Red Bull sera meilleure en course. Oui. Et ben non. Mais ben non. Au final, non. Ferrari était légèrement devant, mais devant quand même. Bon, Red Bull est là et c'est déjà pas mal. Hein, parce que franchement, en ayant autant poussé l'an dernier... C'est déjà bien d'être là où ils sont. Je pense que vraiment, ça part plutôt bien. Mais résultat absolument catastrophique, puisqu'ils partent avec un zéro pointé. Problème d'alimentation entre essence et moteur. Il n'y a que Tsunoda qui sauve l'honneur quand même dans l'histoire. Parce que oui. Je vais mettre Gasly dans l'opération aussi. Hein, parce qu'en gros, oui. Tu as quand même sur les 4 moteurs... Alors, la question taquine que j'avais posée sur Twitter, c'est est-ce qu'on on critique Red Bull Powertrain ou est-ce qu'on critique Honda? C'est drôle, hein, mais à partir du moment où ça a pété, c'est Honda le responsable. Hein. Les réponses, voilà, c'est, assez, oui. C'est amusant. Bien sûr. Non, mais enfin, c'est pas Red Bull Powertrain. Ouais. Ah, évidemment. Mais plus sérieusement, c'est qu'il y a manifestement un souci de fiabilité qui est présent dans l'ensemble. Alors, c'est cocasse que ça tombe sur 3 moteurs sur 4. Mais ce qui arrive, c'est ça arrive quasiment en même temps. Ouais, mais c'était le côté rétro. On a vu des McLaren. En niveau de perte, c'était égal à des McLaren Honda. Et Honda s'est rappelé à leurs bons souvenirs en explosant des moteurs. Non, c'est honnêtement, c'était vraiment... Mais alors là, 3 voitures sur 4, c'était vraiment pas fiable. Et c'est pas hyper, hyper rassurant, je trouve. Non, parce qu'en plus, tu as t'as vraiment eu... Parce que Verstappen, ça a commencé à déconner. Et t'as senti que les gars de l'autre côté, en fait, comprenaient pas ce qui se passait en lui disant ben non, mais c'est pas grave, ça va bien se passer, tout, y a pas de souci. Puis au final, il y a tout qui s'est coupé, c'était fini. Pérez, pareil, Pérez, bon, c'est affreux, Pérez. Enfin, ouais. Il lui a manqué 14 virages, quoi. Donc, C'est moche. Oui. Dernier tour, voilà, bah, limite le moteur a pas serré, mais ça, voilà, ça a coupé. Non, quoi. C'est la même raison hein, que pour Verstappen et peut-être que c'est la même raison, je sais pas exactement, qui a provoqué ce barbecue chez Gasly. D'ailleurs, ça flambe plutôt bien avec ce nouveau carburant, je trouve. Oui, puis il a fait ça au virage 4, donc bel hommage à Romain Grosjean. Je l'ai pensé, j'ai pas osé le dire, mais je l'ai pensé pendant la course. Je me suis dit, ah bah tiens, du feu à cet endroit. Par un pilote français, c'est quand même sympa. C'est évidemment une petite boutade, et puis c'est pas de nous, parce que je l'ai vu par quelqu'un, je sais plus. En plus, il y a plein de personnes différentes qui l'ont fait, cette blague-là. Je sais pas si c'est pas Jassem d'ailleurs, sur Twitter, qui a fait ça. En tout cas, Damien, bilan de l'opération, eh ben, ça part plutôt mal pour Red Bull dans son ensemble. Tsunoda sauve les meubles comme il a pu, moi j'ai pas envie de commenter Tsunoda pour l'instant, on va le laisser un peu bosser, on verra bien. Oui. Ça part très mal, et Verstappen en plus a critiqué son équipe sur la stratégie, on en a parlé tout à l'heure. Horner lui a répondu, bon ok d'accord très bien, de toute façon ça va vite se calmer, c'est pas le souci. Mais les deux ont souligné que, bah ouais, sur un championnat, ok c'est une course sur 23, il y en a beaucoup, hein, donc on a le temps de voir venir. Mais un zéro pointé, ouais, ça pique assez violemment quand même. Hein. Alors, oui, maintenant, si tu dois faire un zéro, c'est mieux de le faire à la course 1 qu'à la course 22. Alors, d'autres diront après, derrière les points que tu mets maintenant, tu n'auras pas besoin de les marquer plus tard. Je suis d'accord aussi. Maintenant, c'est qu'il vaut peut-être mieux avoir des problèmes maintenant que tu puisses identifier, que tu puisses résoudre, plutôt que d'avancer et de te retrouver dans une situation où des problèmes après, derrière, sont trop complexes à résoudre. Et que ça puisse te coûter plus que ce que ça aurait dû te coûter. Oui. Bon, c'est une question d'équilibre, évidemment, à trouver dans la situation. Concernant l'écurie Red Bull, il n'y a pas trop d'inquiétude, je pense, à avoir. Il y a juste un rappel d'humilité, tout simplement, en fait. Oui, et surtout, pas d'inquiétude, non, mais il faut... Ils avaient visiblement déjà des hypothèses, mais il faut trouver tout de suite d'où vient le souci, parce qu'il ne faudrait pas avoir le même... dans une semaine à Jeddah, hein. Là ce serait beaucoup beaucoup plus embêtant quand même. Oui. Donc ça va bosser, ça c'est clair, ça c'est va ça. Bosser sur les prochains jours. Exactement, oui t'avais raison en fait, parce que Red Bull c'est vraiment le chaos technique complet de ce week-end de Bahreïn, où à quoi, 10 tours près, on n'avait pas d'abandon dis donc. Exactement, on a failli passer près et non, en fait au final non, parce que Red Bull Power, non pardon, parce que Honda. HRC, c'est même pas vraiment Honda. Enfin bref, bon allez, sur ce, donc donnez-nous vos top, vos flops dans les commentaires évidemment, Olivier, on se retrouve tout de suite pour la note. La note, Olivier, de ce premier Grand Prix de la saison, elle va être élevée? Va-t-elle être très élevée? Je ne sais pas, en tout cas, pense que dans les 5-10 minutes qui nous restent encore ensemble, on aura l'occasion évidemment d'en parler, de profiter. Je te propose d'abord de parler de stratégie. De mon point de vue, c'est là où ça a un peu plus pêché, parce que c'était peu lisible. C'est-à-dire qu'on est sur des nouveaux pneus, des nouvelles jantes, une nouvelle manière dont ça... Les pneus tiennent bien, mais chutent en perf de manière assez étonnante. Je pense qu'on manque encore un peu de recul là-dessus, donc on n'a pas trop la possibilité de pouvoir faire de grosses stratégies. Même si je reste très heureux de me dire qu'on a pu avoir un Grand Prix de Bahreïn, on n'a pas eu qu'un seul arrêt. Oui, ça c'était plutôt bien, mais c'est vrai que les performances chutent, c'est ce qui a été demandé à Pirelli, c'est ce qu'on a vu. Maintenant, il y a des choses un peu étonnantes. Pirelli s'étonnait eux-mêmes de voir qu'il y avait autant d'écart de performance entre les différentes gommes. On a vu en course que les gommes dures, c'était compliqué. Hamilton s'en souviendra. Bah, t'as aussi la problématique de faire chauffer les gommes, qui est liée au fait que gommes en elles-mêmes ne sont pas, elles, préchauffées aussi dans les stands de manière comme ce qu'il y avait avant. En fait, les pilotes redécouvrent des pneus très froids. Oui, c'est ça. Et on l'a bien senti, on l'a bien vu, il y a plusieurs pilotes qui zigzaguaient en sortie de stand pour faire chauffer les pneus. Bah oui, on en arrive là. D'un côté, c'est peut-être bien qu'on n'ait pas supprimé complètement les couvertures chauffantes pour l'instant, parce que imagine si on retire encore les degrés restants, ce serait encore pire. Ça pourrait être même potentiellement un peu dangereux, parce que... C'est ce que j'allais dire, oui. Imaginez envoyer une voiture avec 1 cm d'eau sur la piste avec uniquement des slicks. Même s'ils sont à bonne température, ça peut être dangereux, et le simple fait d'accélérer même à 20 à l'heure, ça peut vous faire partir directement tête à queue, et ça peut être... un peu plus problématique. Oui, et des pneus complètement froids, bah ouais, effectivement, Voilà, bref, on n'en est pas là de toute façon, mais on voit qu'il y a, on sent qu'il y a vraiment une différence à ce Oui. niveau-là. Et donc au niveau stratégique, tu l'as dit, lecture compliquée. C'est sûr, lecture un peu compliquée, même si on a vu le coup stratégique, c'est quand même Red Bull qui rentre une troisième fois. On s'y attend pas forcément. Je suis sûr que chez Ferrari, qui n'a plus l'habitude de jouer la victoire, on a tremblé quelques instants quand même, en se disant, oula, qu'est-ce qu'on fait? Sans Bon, l'incident puis. Gasly, il Oui. y a des vraies questions sur l'évolution que ça peut entraîner. Alors après, tu me diras, tu as eu la problématique de fiabilité pour Red Bull, donc en même temps, on peut pas refaire l'histoire. Mais c'est sûr que oui, on s'est posé un peu la question. Et Oui. autant on a collé la stratégie de Sainz à celle de Pérez pour tenter de sauver au moins la position du pilote espagnol, mais c'est vrai qu'on aurait pu se retrouver avec un Verstappen qui pouvait peut-être aller titiller Leclerc s'il avait pu remonter un peu fort. C'est ça. Et oui. Sachant que C'est ça, l'undercut donc. était quand même assez étonnamment puissant, mais pas sur un tour. C'est ça, c'est bizarre. C'est-à-dire Ouais, que mais oui. tu sors, en fait, t'es pas très rapide quand tu sors, parce que forcément, t'as des pneus qui sont pas à bonne température. Et en fait, c'est dès que toi, t'arrives avec des pneus chauds sur quelqu'un qui sort à peine des stands, c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire que tu vas pas potentiellement prendre la position sur quelqu'un avant qu'il sorte des stands, mais par contre, tu vas être tellement plus rapide que lui quand tu vas sortir que tu vas pouvoir le remonter et le dépasser. C'est drôle, je trouve ça plaisant, beaucoup plus Ah oui? ça. Que d'avoir un dépassement qui se passe dans les stands en fait. Oui, c'est beaucoup plus plaisant à voir. Maintenant, on suppose que les équipes vont apprendre, parce qu'ils ont appris beaucoup, à mon avis, à Ah Bahreïn bah par oui. rapport aux pneus. On va voir un peu ce que ça donne pour la suite, mais en attendant, ça crée, je ne vais pas dire un chaos, mais en tout cas des incertitudes qui étaient plaisantes à voir, mais difficilement lisibles. Damien, ta note pour la stratégie, on va y arriver. 3,5 je mets en stratégie pour ce premier Grand Prix de la saison. Un petit peu moins donc qu'en spectacle, mais de bonnes choses. Simplement, je me laisse une marge parce que je pense qu'on aura largement de quoi avoir bien mieux dans le futur. J'ai mis un 4 de mon côté parce que justement, en fait, ce côté assez plaisant que tu as souligné, je m'attends à ce qu'on ne l'ait pas à chaque fois. Donc je suis un peu Non, ça monté, je me d'accord. suis dit, ok, ce sera peut-être moins étonnant sur les prochaines courses. Côté spectacle, je vais jusqu'à 4,5, je suis généreux, mais je pense franchement. Alors bon, il y a l'excitation de retrouver la F1, il y a un très beau duel pour la tête entre Leclerc et Verstappen, il y a des bagarres derrière, on en a quand même vu un peu tout au long de la course, il y avait pas que ça tout le temps, je suis d'accord, mais il y en a eu un peu tout le temps. Il y a une fin assez épique quand même, assez étonnante, avec un resserrement dû à la voiture de sécurité. Donc ouais, tout ça fait que je vais jusqu'à 4,5, ce qui me fait un 8,5, Damien. 4 pour moi en spectacle qui me fait un 7,5. On a un point de différence sur ce premier Grand Prix. C'était très bien. Maintenant, pense que on a la Formule 1 actuelle, la nouveau règlement, ne nous a pas encore délivré toute sa puissance et tout ce qu'on Bien peut sûr. avoir actuellement. D'où le fait que je me laisse cette marge de manœuvre justement pour avoir des meilleures courses dans le futur. Mais ça ne veut pas dire non plus que cet écart-là fait que la course n'était pas plaisante, hein. C'était quand même très intéressant. Donnez-nous évidemment vos notes dans les commentaires, on a hâte de vous lire là-dessus. Vous-même aussi, vous pouvez détailler, vous avez vu comment ça fonctionne, dimension stratégique, dimension spectacle, évidemment, on aura l'occasion. Olivier, les classements, c'est extrêmement simple, c'est le classement de la course. Voilà, Charles Leclerc 26 points, Sainz qui suit, Hamilton, évidemment, Russell, tout ça. Et dans la deuxième partie de tableau, il n'y a que 19 pilotes, puisque oui, Pierre Gasly n'a pas fait assez de distance pour être officiellement classé, sachant que... Nous avons Nico Hülkenberg dans ce classement, on n'en a pas parlé, du pilote allemand, qui a fait une belle qualif, mais après, derrière, en course, il a clairement subi le manque de roulage et le manque d'activité de ces derniers mois. Mais écoute, c'était cool de le revoir dans le paddock. Maintenant, il faut espérer qu'il puisse trouver quelque chose à faire quand même, parce que même si il aime bien la Formule 1, c'est quand même mieux de faire quelque chose pour être un petit peu en forme. On est d'accord, effectivement, c'était un peu compliqué. On lui souhaite de rouler, surtout. Je suis Voilà. d'accord. Et le classement des constructeurs? Le classement des constructeurs, pardon Damien, on y va. Il est sous mes yeux. Le voici, le voilà, Ferrari avec, et c'est beau, 44 points donc. Ce doublé et les 26 points de Leclerc. Mercedes compte 27 unités en étant 3 et 4. Et puis As, donc les points de Magnussen non, et de Schumacher. Hein, j'allais dire des bêtises. De quoi? Ben non, Schumacher, il est pas Mais dans le non, il n'est top pas 10. dans Les le points top de 10, c'est que Magnussen, pardon. Magnussen qui marque 10 points. Les points de Magnussen qui est donc seul troisième au classement des constructeurs. Et ça, c'est inattendu parce qu'il y a un peu plus de 2 semaines, je me répète, on n'aurait jamais pu le prédire. Alpha Romeo 4e avec 9 unités. Alpine 5e. Déjà 5e, hein, Damien, tu auras remarqué avec 8 points. C'est ça, c'est beau. AlphaTauri est 6e avec 4 unités. Puis suivent Aston Williams et McLaren qui n'ont rien marqué et pour qui ça démarre très mal. En effet, on aura évidemment l'occasion de voir tout ça sur les différents Grands Prix, comment le classement va bien entendu évoluer. Pas de grand jeu des pronos, contrairement à l'année 2021, mais parce que c'était épuisant de faire ce jeu, vous le savez évidemment. On fera des jeux de manière ponctuelle durant la saison, on ne sait pas quoi, on ne sait pas quel format, mais on aura l'occasion d'en faire évidemment. En tout cas, on a hâte évidemment de vous lire dans les commentaires, de les pouces en l'air, les abonnements à la cloche, vous connaissez évidemment la chanson. Pour le démarrage de cette nouvelle saison, Olivier, pour clôturer ce Grand Prix, on va dire que la saison a bien commencé. Et maintenant, ce serait bien que ça continue à monter en puissance pour qu'on ait, dès l'arrivée en Europe, l'apothéose. Bah écoute, on a fait un premier bilan bien dense, ce qui prouve qu'il y avait de l'intérêt dans cette course. Oui. On va essayer maintenant de poursuivre. La semaine prochaine, la F1 est déjà de retour sur un tracé très décrié en 2021. On verra ce que ça donnera. En tout cas, on aura sans doute des choses à dire là aussi. On se retrouve évidemment dans une semaine pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite sur le circuit urbain de Jeddah. Pas de diffusion lundi pour le bilan. D'ailleurs, on précise, ce sera tourné lundi soir. On le diffusera le mardi. Et après, on essaiera de retrouver évidemment le rythme normal pour les prochaines courses. Et puis, on occupera évidemment l'espace lorsqu'il y aura plus d'une semaine d'écart entre les courses. Merci Olivier. Merci à toi Damien. Un plaisir de retrouver ces bilans de Grand Prix. Et surtout, un plaisir de retrouver la F1 qui est là. Ça y est. Évidemment. On est très heureux de tous vous retrouver. On se retrouve très vite. À bientôt. Ciao.